Enfin, au livre de poche, le nouveau récit de Lola Lafont, quand tu écouteras cette chanson. Je n'ai pas pensé à elle les jours précédents. Je me souviens à peine du journal. Son nom s'impose à la nuit. Anne Frank est l'objet de mon éveil. Dans son livre, Lola Lafont raconte sa nuit passée au musée Anne Frank. Elle fait résonner la voix de la jeune fille avec les fantômes de son propre passé et rend Anne Frank à la littérature. Quand tu écouteras cette chanson, le livre bouleversant de Lola Lafont au livre de poche. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Les Grecs ont-ils cru à leur mythe? Voici le titre d'un ouvrage de référence que l'historien Paul Venn fait paraître en 1983. Il est sous-titré « Essai sur l'imagination constituante ». Assure qu'il faut de l'imagination pour essayer de renouer avec les dieux, les déesses, les héros, les chimères. Mais aux côtés de l'imagination demeure la démarche scientifique. Que reste-t-il aujourd'hui des rites de la Grèce antique? Et surtout, en quoi les expériences du sensible dans la Grèce ancienne ont un écho à nos préoccupations contemporaines? Rituels sacrés en Grèce antique, une histoire qui ouvre l'appétit. L'appétit. Pâle, profondément mordu, et la prunelle suspendue au point le plus haut de l'horreur, le regard qui manque à son masque s'arrache vivante à la vasque, à la fumée, à la fureur. Sur le mur, son ombre démente ou domine un démon majeur. Parmi l'odorante tourmente prodigue un fantôme nageur de qui la transe colossale, rompant les aplombs de la salle, si la folle tarde à hannir, mime de noirs enthousiasmes, hâte les dieux, presse les spasmes de s'achever dans l'avenir. La pitié, la folle, dans ce poème de Paul Valéry, la pitié dans le recueil Charme en 1922. Bonjour Adeline Grand-Clément. Bonjour. 1922, c'est sûr que c'est une relecture tout autre de la pitié. Vous pouvez nous rappeler qui était la pitié? Alors la pitié, c'était la prophétesse qui, à Delphes, dans le sanctuaire de Delphes, qui est un sanctuaire consacré au dieu Apollon, permettait aux pèlerins venus là pour poser une question au dieu Apollon et de fait aussi un peu à son père, Zeus, c'était elle qui était en charge de leur transmettre une réponse, qui n'était pas toujours très claire d'ailleurs. Que pensez-vous de ce poème de Paul Valéry? Parce qu'il est dans un grand mouvement, c'est pas lui qui la désigne comme une folle, il est à la suite de tous ceux qui ont dit que la pitié était soit folle, soit droguée. Exactement. En fait, ce sont surtout les auteurs chrétiens qui parlent et qui font des descriptions un peu analogues hein, du comportement de la pitié lorsque elle prophétise. Perchée sur un trépied, les yeux révulsés, c'est ce qu'on trouve dans les textes, la tête penchée en arrière. Et donc, quand on a voulu essayer de comprendre ce qui se passait exactement au fond de ce sanctuaire, hein, dans le temple, au plus profond du temple, dans l'adytone du temple de Delphes, eh bien, on avait beaucoup de sources émanant de ces auteurs chrétiens. Et donc, on les a un peu pris à la lettre, quelquefois. Mais vous, historienne, professeur d'histoire grecque à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, vous réfléchissez à comment saisir le sensible de ces rituels. C'est très difficile, ça. C'est extrêmement difficile. Hein. C'était déjà Lucien Febvre qui disait que c'était reconstituer la vie affective d'autrefois. C'est une tâche séduisante, mais très difficile. Et il y a eu justement une émission sur l'histoire des sensibilités, toute une semaine que vous avez consacrée à cette question. Et il est vrai qu'on a envie de le faire, mais qu'il faut être assez rigoureux dans la méthode qu'on emploie, parce qu'on fonctionne juste avec des traces. On est des pisteurs et on va rassembler des documents de nature très variée pour essayer petit à petit de restituer le sensible. Et peut-être que je peux préciser d'emblée que par sensible, j'entends à la fois tout ce qui est de l'ordre du sensoriel, toutes les données sensorielles, les sons, les odeurs, tout ce qui atteint notre corps dans notre rapport au monde, mais aussi la manière dont c'est filtré, interprété, perçu et les émotions éventuellement que ça peut susciter. Donc tout ça va ensemble, le sensible, c'est à la fois le sensoriel et l'affectif. Au plaisir des dieux, expérience du sensible dans les rituels en Grèce ancienne. Expérience au pluriel, c'est l'ouvrage Adeline Grand-Clément que vous proposez, c'est publié chez Anacharsis. Avec ici la démarche, mais il y a, et c'est toujours dans l'histoire du sensible, quelque chose qui nous intéresse. Comment faire? Alors, où aller? C'est obligatoirement un croisement disciplinaire. C'est obligatoirement, effectivement, un croisement disciplinaire. Et comme c'est une tâche difficile, il faut déjà circonscrire un peu son sujet. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi, moi, un petit laboratoire, un petit terrain d'enquête et qui n'est pas petit finalement, qui est énorme, gigantesque, les rituels grecs. Parce qu'en fait, il y a toute une foule de rituels grecs. Et puis, quand on dit les Grecs, il y a toute une foule de cités grecques. Donc, il y a des pratiques locales hein, qui s'articulent à des pratiques plus générales, qu'on pourrait qualifier de panhelléniques, qui concernent tous les Grecs. Et donc, les rituels, il y en a plusieurs milliers et énormément de rituels qu'on ne connaît pas, tout autant que de Dieu d'ailleurs, dans cette religion grecque. À l'inverse, peut-on parler d'une religion ? Vous venez de le dire, dans cette religion grecque, mm-hmm. Vous ne parlez pas de religion au pluriel. Effectivement, alors la religion grecque, c'est une religion polythéiste, donc il y a un nombre incalculable de dieux en fait. C'est pas qu'il y en a beaucoup, c'est qu'on ne peut pas les compter et qu'on peut sans cesse en ajouter. Donc c'est aussi une faculté d'adaptation très grande que les Grecs avaient d'accueillir des puissances qui venaient d'ailleurs, mais qui potentiellement, comme elles étaient puissantes précisément, pouvaient être intéressantes pour garantir le cours de leur existence. Donc il y avait une forme de reconnaissance de la présence dans le monde d'énormément d'entités qu'on ne voit pas, mais avec qui il faut composer absolument. Et cette religion polythéiste, eh bien, elle s'accomplit par un certain nombre de rituels, c'est-à-dire des temps, des actions singulières au cours desquelles les humains entrent en relation avec ces puissances. Et ces rituels obéissent normalement à des normes, ils peuvent être répétés, ils ont une certaine régularité, fixité. Mais évidemment, ils s'adaptent au destinataire, ils s'adaptent au lieu, ils s'adaptent au contexte, à ce qu'on souhaite négocier, parce qu'il s'agit aussi d'agir sur le monde, d'agir, il faut qu'il y ait un effet aussi du rituel. Mais j'ai effectivement dit une religion, alors que peut-être que là, c'est un abus de langage. Dans la langue grecque, il n'y a pas le mot religion. Le mot religion n'existe pas. On a des termes qui désignent le divin, théos, des termes qui désignent le sacré, hieros, et un lieu peut être sacré, ça devient un sanctuaire, un hieron. Un animal peut être sacré, c'est celui qu'on va offrir lors d'un sacrifice. Une personne en charge d'un culte, et c'est un prêtre ou une prêtresse. Et ce sacré, il est présent partout, tout le temps, dans la vie quotidienne des Grecs. Avec des spécificités selon les différentes cités, mais malgré tout, des lieux où tout le monde se retrouve. Oui. Et c'est le cas de Delphes, par exemple, hein, dont on a parlé. C'est un sanctuaire qu'on qualifie de panhellénique, c'est-à-dire qui va rassembler la communauté des Grecs. Notamment, il y a certains temps forts avec des fêtes, hein, les fameux... alors, on parle souvent des Jeux olympiques, hein, en fait, ce sont des concours olympiques. Eh bien, on a la même chose aussi à Delphes, tous les 4 ans. Mais on peut consulter la Pythie aussi au cours de l'année. Il y a des temps spécifiques. Et il y a également des petits sanctuaires locaux, à l'inverse. Et puis, il y a des petits sanctuaires dans les maisons aussi. Oui, parce que ça veut dire que dans l'étude des rites, vous, Adeline Grand-Clément, vous vous trouvez face à une diversité gigantesque, hein, on l'entend, de la maison au rite panhellénique. Vous trouvez quel chemin ici pour avoir un élément qui permet une analyse un peu globale, c'est-à-dire qu'au moment de réfléchir au sensible, vous avez une grille de lecture pour voir quel sens est mobilisé. J'imagine qu'ils sont souvent tous mobilisés. Oui, j'ai évité de faire une étude séparée en fait, des odeurs d'un côté, des sons, même si dans les chapitres, il y a des chapitres qui vont être... Il y en a un qui est plus consacré à l'alternance silence-bruit, par exemple, dans la partition sonore des rituels. Mais sinon, j'essaye de les étudier ensemble et l'idée, c'est d'essayer de vérifier une hypothèse qui était mon hypothèse de départ, à savoir que lors des performances rituelles, parce que ces rituels, ce n'est pas juste faire mécaniquement, ce n'est pas juste des gestes qu'on répète fixement. Ces gestes, ils ont un effet et il y a une forme d'engagement sensible. Et donc, mon hypothèse de départ était de dire que ces performances rituelles généraient un mode d'engagement sensoriel spécifique, un état de réceptivité particulier à ce qui les entourait, pour ne serait-ce qu'être sûr que les dieux auxquels on s'adresse sont bien présents. Et comme ils sont invisibles, il faut essayer de percevoir dans tous les indices de l'environnement des traces de leur présence. Et à Delphes, c'est Apollon. Cette crevasse, au fond, c'est ce qui explique Delphes, la présence de Delphes ici et pas ailleurs. La fente présente la forme presque parfaite d'une matrice. Le soleil, en tournant, s'introduit dans cette matrice, c'est Apollon, le soleil, fécondant Géa, la terre. Et c'est la raison pour laquelle un temple principal a toujours été le temple d'Apollon. Pour le trouver, il fallait encore une coïncidence. D'abord grimper ici, et ensuite s'y trouver, au moment où le soleil est à son zénith. de manière à voir ce rayon d'Apollon qui pénètre dans la matrice. Car on s'était pendant longtemps demandé pourquoi Apollon n'est pas un autre à Delphes. Eh bien, Apollon n'est pas un autre parce qu'il est tous les jours charnellement présent ici dans cette grotte et on peut le voir. Et en 30 secondes, le ciel fut tout noir. La pluie se mit à tomber sur Delphes comme si Apollon avait été irrité par toutes ces explications, par le dévoilement des mystères. La légende raconte encore qu'ayant quitté Délos pour conquérir la Grèce, Apollon, guidé par un dauphin, débarqua à Ithéa, là, au pied de ces montagnes. Il tua le serpent Python pour annoncer ensuite d'une voix forte aux autres dieux qu'il était devenu le maître incontesté de tout ce territoire. Ensuite, par la voix de la Pythie, prêtresse inspirée, pendant des siècles, Apollon rendit ses oracles, dirigeant ainsi les peuples de toute la Grèce. En 1966, journal de voyage en Grèce dans l'émission L'art et les hommes avec le dieu Pan n'est pas mort et un petit tour à Delphes avec Apollon. Dites donc, Adeline Grand-Clément, quand on entend ici la description d'un rituel, d'un rite, on a ce moment de grimper. Alors c'est le corps qui est mobilisé, on voit le rayon du soleil. En fait, on va dire, bon, bah, presque naturel, c'est quelque chose d'humain de ressentir des émotions, de ressentir des sensations. À partir de quand l'historienne que vous êtes leur trouve un sens? Qu'est-ce que cela signifie du rapport entre les humains et les dieux? Alors, ce sens, je le trouve par les sources, en fait, que j'utilise. Et je trouve que l'extrait pose bien la question aussi de l'origine des sanctuaires, puisque parmi les ingrédients que j'essaye de mettre un peu en lumière, qui servent à cette disposition sensorielle spécifique lors des rituels, il y a le lieu qu'on choisit. Il est important. Et beaucoup de rituels grecs ont lieu en plein air, ce qui, d'emblée, les soumet justement à cette réceptivité au vent, au temps qu'il fait, à la présence d'oiseaux qui sont parfois indésirables, comme les pigeons, hein, dans le sanctuaire de Delphes, qui sont extrêmement présents. Et puis, donc on voit aussi, enfin, cet extrait pose la question du lieu et du choix du lieu par rapport au dieu lui-même. Et effectivement, l'hymne homérique à Apollon, qui est un poème qui a été composé à l'époque archaïque, raconte que c'est Apollon qui a choisi le lieu. Nous, évidemment, on se pose la question un peu différemment. On se dit, mais pourquoi Delphes? Parce que quand même, il faut y accéder. C'est pas un endroit qui va de soi. C'est un endroit qui est très beau, spectaculaire. Mais quand je regarde dans mes textes, c'est pas exactement ça qu'on dit. On dit pas Apollon est venu là parce que c'était très beau. Au contraire, c'est par des chemins détournés que Apollon est arrivé là. Et il a fallu qu'il tue le serpent Python. Donc, ça nous met aussi en garde contre des évidences ou une projection de notre propre sensibilité à dire, mais celui est très beau, je comprends que Apollon soit vénéré ici. C'est toujours beaucoup plus compliqué. Et les Grecs, comme ils avaient conscience que la justification de la présence du sanctuaire à tel ou tel endroit n'allait pas de soi, ont inventé tous ces mythes pour nous raconter l'histoire et légitimer l'autorité de ces sanctuaires. On va trouver, en fait, avec ces récits, quelque chose qui nous parle. Parce que c'est sûr que la mythologie grecque, et on vient de l'entendre, c'est une histoire qui nous est racontée. Mais le piège, évidemment, c'est de transposer nos analyses, nos émotions d'aujourd'hui sur ce que pouvaient ressentir ces gens de l'Antiquité. Et c'est là où c'est extrêmement fragile et ça demande une analyse très, très fine. Ouais. C'est le cœur du problème et ça nécessite en fait une approche anthropologique, une approche d'anthropologie historique, à savoir retrouver les catégories des Grecs, voir comment ils filtraient eux-mêmes le réel pour éviter les projections de nos propres catégories, nos propres notions. Donc essayer d'explorer en fait dans les textes la signification des termes et tout l'horizon sémantique et affectif de ces termes-là. C'est vraiment fondamental. Dans les termes que vous pouvez croiser, il y a celui de superstitieux. Adeline Grand-Clément, au plaisir des dieux, s'ouvre avec ce superstitieux qui nous est présenté par Théophraste. Le jour de la fête des Coès, s'étant purifié les mains et aspergé d'eau lustrale, il sort du sanctuaire, avec du laurier à la bouche, et se promène toute la journée en cet état. Qu'une belette ait traversé la route, il ne bouge plus avant d'avoir vu passer une autre personne ou d'avoir lancé trois pierres par-dessus le chemin. Si des chouettes ont ululé sur son passage, il est troublé et ne poursuit sa marche qu'après avoir dit « À Athéna est plus forte. Il évite de marcher sur une tombe, d'approcher d'un mort ou d'une femme en couche. Il tient beaucoup, dit-il, à ne pas se charger d'une souillure. Lorsqu'il a fait un rêve, il se rend chez les interprètes des songes, chez les devins, chez les augures, pour apprendre d'eux quel dieu ou quelle déesse il doit invoquer. À la vue d'un fou ou d'une épileptique, il est pris de frissons et crache dans le pli de son vêtement. Un extrait des caractères de Théophraste, lu par Frédéric Labussière. Merci Frédéric, c'est une traduction d'Octave Navarre. Adeline Grand-Clément, bon déjà, merci, parce que c'est vrai que moi je ne savais pas quoi faire en croisant une belette. Il faut jeter trois cailloux par-dessus le chemin, c'est mieux. Pourquoi cet extrait nous éclaire sur la proximité qu'il pouvait y avoir chez certains avec les dieux ou l'éloignement peut-être d'autres. Et là, nous avons le superstitieux, donc lui, tout est rituel tout le temps. Exactement. En fait, c'est pour ça que c'est le premier chapitre, parce que pour explorer un peu ce que peut être la norme rituelle, notamment en matière de réceptivité sensorielle, j'ai pris un petit détour et j'ai regardé par le biais des déviances et donc la superstition. Alors, nous, on a peut-être en tête des choses quand on dit superstition, et je crois qu'il y aura une émission peut-être consacrée. On va réfléchir à aller loin sur cette proximité ou cet éloignement avec le divin. Voilà. Et en grec, c'est deisi daimon, le superstitieux. Ça veut dire celui qui a peur des daimones, des puissances. Alors, la peur des dieux, elle est normale. Et donc, le terme, au départ, n'est pas un terme connoté négativement. Il faut avoir peur des dieux, parce qu'en fait, ils sont très puissants. Mais là, on est avec Théophraste au IVe siècle, au moment où le terme commence à se connoter de manière négative. On en fait trop dans la peur des dieux. Et donc là, en fait, on a affaire à quelqu'un qui est une sorte d'hyperesthète. C'est-à-dire, il est hypersensible. Aesthésis, en grec, c'est la perception, et puis la manière dont on interprète cette perception, donc la connaissance qu'on en tire. Et en fait, lui, il y a des rituels tout le temps, partout. Donc, si on les prend isolément, ne pas marcher sur une tombe, bah, c'est bien. Enfin, il ne faut effectivement pas marcher sur une tombe. Mais lui, il accumule toute la journée des choses. Et donc, par ces petits gestes, j'essaye de repérer ce qui relève d'un excès. D'une déviance, et notamment le fait de garder du laurier à la bouche et de le mâchonner toute la journée. On sait que le laurier sert pour les purifications, mais bon, on ne se met pas à mâchonner du laurier toute la journée. Donc lui, il a peur de la souillure, hein, le miasma. Et donc, notamment, on voit que tout ce qui concerne le contact, hein, tout ce qui concerne les perceptions haptiques, vont être extrêmement contrôlés. Théophraste, au IVe siècle avant Jésus-Christ, se moque en fait des superstitieux. Quand il fait ça, c'est un peu jouer sur le ridicule du personnage. Oui, en fait, il a fait une galerie de 30 portraits ridicules. Ça a inspiré d'ailleurs les caractères de la Bruyère. Et ce sont censés être des citoyens athéniens de son époque. Donc, on est plutôt à deuxième moitié du IVe siècle avant notre ère. Et l'objectif, c'est de s'en moquer. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop si son œuvre était juste un exercice de style, si elle était destinée à être à un public. Mais ce qu'on sait, c'est que parmi les élèves de Théophraste, il y a Ménandre qui lui écrit des comédies et qui se moque de personnages un peu analogues. On a le cas dans une pièce, hein, le Discolosse, d'une femme qui a fait un mauvais rêve. Et donc, elle fait tout un rituel dans une grotte pour le dieu Pan parce qu'elle a fait un mauvais rêve. Oui, bah c'est un classique, hein, même aujourd'hui, c'est vrai que les superstitieux, les superstitieuses on en trouve encore. Qu'est-ce que ça signifie du lien avec les dieux? Pourquoi le superstitieux fait ça? Alors, il y a une lecture première qui est pour éviter un problème, une malédiction, etc. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça mobilise le corps, ça mobilise les sens, et c'est un lien en fait avec le divin. Oui, ça montre que le divin est partout, tout le temps. Et donc, lui, il est extrêmement sensible à la présence du divin. Et donc, il se dit, il interprète tout comme aussi un rongeur qui va attaquer le sac de graines. Il va se dire, eh ben ça, c'est la preuve qu'il y a une divinité qui m'en veut. Et donc, il faut que je fasse un rituel d'expiation. L'objectif des rituels, c'est généralement de garantir le bien-être des dieux, le plaisir des dieux. Hein, c'est d'où le titre. Et donc, il soit contenté, satisfait. Donc le problème, c'est quand ils sont en colère. Et là, le superstitieux voit dans tout ce qui lui arrive des signes de colère divine partout. Donc ça nous renseigne quand même sur le fait qu'effectivement, les dieux sont tout le temps présents au quotidien et partout. Mais une personne normale va canaliser en fait cette réceptivité et ne va pas s'adonner à tous les rituels tous les jours comme le fait ce superstitieux. Adeline Grand-Clément, vous venez nous donner déjà l'explication du titre de votre ouvrage « Au plaisir des dieux » et puis surtout le pourquoi de ces rituels. L'objectif final, c'est de plaire aux dieux, sachant que les dieux sont partout et ils sont innombrables. Donc, dès lors, tout est rituel tout le temps, c'est-à-dire que dans la religion grecque, il y aurait une lecture du quotidien faite de rituels, sans cesse, partout. Alors, il y en a beaucoup, mais on canalise. Ça va être, par exemple, l'ouverture de la séance de l'Assemblée à Athènes, qui va être, il y a un temps rituel. Le banquet, le moment où on se réunit pour boire, c'est un temps rituel. Funérailles, mariage, le début de la journée commence par un rituel, l'intégration d'une nouvelle personne dans la maison, le repas également placé sous l'égide de divinité. Mais on va essayer de canaliser les choses. Il y a aussi la volonté d'une forme de maîtrise et c'est pour ça qu'il y a ces normes rituelles, en fait, qui permettent de donner une place à ces rituels. Et évidemment, il y a des tout petits rituels. Juste faire brûler de l'encens sur un encensoir, un brasero, en faisant une prière, c'est un rituel. Faire une grande fête comme celle des Eleutheria aplatée avec l'archonte qui se drape de rouge et qui prend une épée, ça, c'est une grande procession à la trompette. Ça, c'est un autre type de rituel. Et on a toute cette palette. Avec les sens, hein. On vous écoute et tout de suite, on sait quels sens sont mobilisés. Vous attardez sur la couleur des vêtements. Oui. Ça, c'est très important aussi. C'est pas simplement donner de l'apparat à un moment qui est religieux. Ça va beaucoup plus loin. Oui, ça va plus loin parce qu'en fait, la couleur à laquelle on est aujourd'hui habitué et qui est devenue pour nous une simple abstraction, en fait, on peut avoir des vêtements de toutes les couleurs facilement. Dans l'Antiquité, chaque couleur de vêtement requiert en fait tout un processus tinctorial qui est parfois complexe, parfois onéreux, comme pour la pourpre, et qui engendre aussi une forme de valeur symbolique du vêtement coloré qui est inhabituel, qui a demandé du temps, qui a une couleur qui peut être chatoyante, qui dure et donc qui dit quelque chose de la durabilité, donc à des affinités avec le divin, c'est le cas de la pourpre. Et là, moi, je m'intéresse dans un chapitre à l'écarlate et notamment à un rituel d'imprécation où on va agiter des étoffes écarlates, justement. Et l'écarlate, c'est aussi la couleur du manteau des Spartiates au combat. Ça a à voir avec le martial, ça a à voir avec le sang. Et c'est quelque chose qui peut aider à l'efficacité du rituel. Ça peut avoir une valeur performative. Adeline Grand-Clément, vous êtes également l'autrice de La Fabrique des couleurs, histoire du paysage sensible des Grecs anciens, 8e siècle, début 5e siècle avant Jésus-Christ. Toujours la complexité de savoir la signification. Si on prend l'exemple d'une couleur, bien sûr, il y a le côté martial, vous évoquez pour ces couleurs vraiment chatoyantes et qui marquent l'œil, l'aspect militaire. Comment peut-on voir la réception? Donc, vous avez comme source les textes, comme une évidence. Ouais. L'archéologie aide ici pour savoir quels sens sont mobilisés. Bon, pour la couleur, c'est complexe, mais en même temps, au-delà des statues très blanches de nos musées, on savait que les couleurs étaient partout. Exactement. Alors, avec l'archéologie, on a quand même de plus en plus de renseignements sur les couleurs. Pas tant pour les couleurs de vêtements, parce qu'on a conservé très peu de vêtements. C'est le climat grec qui ne permet pas ça, contrairement au climat égyptien, par exemple. Donc, on va avoir peu d'étoffes textiles conservées, donc encore moins de renseignements sur leurs couleurs, la manière dont elles ont été fabriquées, mais ça commence quand même. Enfin, on a quand même quelques données, notamment dans les cimetières. Et puis, surtout, il y a beaucoup de travaux sur la polychromie des bâtiments. Et donc, tout ce qui est sanctuaire, hein, on connaît un peu mieux leur parure colorée, leur dorure aussi, probablement doit nous faire changer notre perception de ces lieux-là, dont on admire la blancheur, la sobriété, sur l'acropole d'Athènes ou à Delphes. Il faut plutôt s'imaginer à des choses qui ressembleraient à des temples en Inde, qui sont extrêmement colorés. Si vous citez l'Inde, ce n'est pas un hasard, puisque dans Le plaisir des dieux, on part en Inde. Alors, quelle était votre démarche pour aller voir un peu ce qui se passait là-bas, en Inde? Eh bien, vous avez parlé de la difficulté de la méthode. Donc moi, j'avais à ma disposition des sources qu'on qualifie de littéraires, mais qui sont en fait autre chose. Hein. C'est des manières, c'est des documents, des textes qui ont été écrits dans des contextes particuliers, des poèmes, des pièces de théâtre, qui sont des performances avant tout, et donc qui témoignent d'un certain rapport au monde. Mais il y avait également, donc on a parlé un peu de l'archéologie, de l'épigraphie, c'est-à-dire les textes gravés sur des pierres qu'on peut utiliser, de l'iconographie, il y a des images aussi que j'essaye de décrypter dans l'ouvrage. Mais malgré tout, avec ça, eh bien, il nous manque quand même des choses. Il nous manque comment tout ça fonctionne ensemble. Et Et donc, je suis partie en Inde pour être moi-même dépaysée et voir des rituels polythéistes tels qu'ils sont pratiqués encore aujourd'hui dans le Tamil Nadu, au sud de l'Inde. Et j'ai vu comment s'agencer les sanctuaires quand on a plusieurs divinités. J'ai aussi perçu tout ce qui m'échappe dans les textes, les temps d'ennui, les temps où on est dans le sanctuaire, mais on ne fait rien, on ne fait pas du rituel, on discute, on est assis par terre, voilà, on profite du lieu, de l'ombre d'un arbre, puisque les sanctuaires sont comme les sanctuaires grecs, en partie des cours ouvertes, hein. Il y a des temples, mais il y a également tout un espace en plein air. J'ai donc fait l'expérience des types de matières qu'on utilise, qui pour certaines étaient assez différentes de celles que je connaissais, des sons aussi très différents. Et j'ai fait cette expérience du dépaysement pour essayer de voir comment l'ensemble peut fonctionner et l'effet que ça peut avoir aussi sur le corps. Et c'est vrai que je me suis sentie assez vite partie prenante de ces rituels alors que je n'y comprenais rien. Et c'est une démarche d'anthropologue, d'ethnologue presque. Oui, c'est ça. Alors évidemment, mes amis, parce que j'ai des amis anthropologues, savent bien que je n'avais pas la prétention de faire ce qu'ils font. Je suis allée avec mon petit carnet de terrain, j'ai enregistré des choses, fait des vidéos, mais évidemment, je n'ai pas la... Voilà, je suis restée trop peu de temps, un peu moins de 3 semaines. Mais ça a été important pour moi. Est-ce qu'il y a des relations, oui, avec ces rituels que vous étudiez dans la Grèce ancienne? Le fait d'être pieds nus. Par exemple, alors c'est systématique dans l'hindouisme, mais moi, dans un des chapitres, j'essaye de comprendre dans quel cas on semble demander aux fidèles, aux dévots, de poser les chaussures à l'entrée ou de ne pas avoir de chaussures pour tel ou tel rituel, en particulier dans certaines fêtes pour Déméter. Oui, parce que les chaussures, c'est très important. C'est quoi cette symbolique de la chaussure? C'est ce qui touche la terre. Oui. Alors, dans les raisons d'interdiction de la chaussure, il y a plein de choses qui jouent. Il peut y avoir cette question de la chaussure, la semelle qui a touché par terre. Il peut y avoir la question de la matière dans laquelle c'est faite. C'est une peau d'animal. Et donc, il y a des sanctuaires, il y a des divinités qui n'aiment pas les sacrifices d'animaux. Donc, on ne va pas introduire des objets fabriqués avec des peaux d'animaux. Il peut y avoir aussi la question de quelque chose qui enserre le pied. Ce sont des sandales, beaucoup, avec des lanières, le lien. Et ça peut poser problème également pour certaines fêtes, certains rituels, ou quand on danse, par exemple. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la Grèce antique avec toute une réflexion sur ces sens mobilisés lors des rituels. Et le mieux peut-être, c'est d'avoir ce mode d'emploi d'un rituel parce que j'imagine que quand on part dans la Grèce ancienne, on ne sait pas trop comment faire. Vaut mieux imiter et lire les classiques. D'abord, porte des libations sacrées, prises à une source intarissable, avec des mains pures. Il est ici des cratères, œuvre d'un habile artisan, couronnant la tête et les hanches qui sont de chaque côté d'une toison frais tondue de jeunes brebis. Verse tes libations, debout, face à la première aurore. Verse-les en utilisant les vases, en 3 fois, sauf pour le dernier vase, en 1 seule fois. Avant de t'exécuter, remplis ce dernier vase d'eau et de miel. Garde-toi d'apporter du vin. Quand la terre au noir feuillage aura reçu ses libations par 3 fois, dépose sur elle, de l'une et l'autre main, 9 rameaux d'olivier, puis prononce cette prière. Puisque nous leur donnons le nom de bienveillante, qu'elles accueillent d'un cœur bienveillant le suppliant sauveur. Demande-leur cela toi-même ou quelqu'un d'autre à ta place. D'une voix inaudible, sans faire porter le son au loin. Puis, retire-toi, sans te retourner. De Dipa Colonne, une tragédie de Sophocle que vous avez traduite Adeline Grand-Clément, alors adaptée par Jeanne Copet qui prépare ses émissions Le cours de l'histoire sur France Culture. Dipa Colonne, à Colonne, il est à Athènes, hein, ça veut dire. Colonne, c'est un quartier c'est d'Athènes. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un dème, c'est-à-dire en fait une bourgade qui se trouve non loin de la ville d'Athènes, mais sur le territoire de l'Attique. Alors que nous apprend Sophocle ici, ou plus exactement, l'historienne que vous êtes, en tire quelles analyses de ce texte? Alors, effectivement, il a été retravaillé et il se présente sous la forme d'un dialogue à l'origine. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment une des rares fois où on a le descriptif d'un rituel. Et si on a ce descriptif, C'est précisément parce qu'il y a dialogue. On est dans une pièce où Œdipe, les yeux donc crevés, hein, elle ne voit rien, est arrivé dans le dème de Colone. Il arrive de Thèbes. Il est avec sa fille Antigone. Il s'assit sur une pierre. Et sa fille, Antigone, lui décrit le lieu. C'est un très beau lieu. Il y a des rossignols qui chantent. C'est parfait pour s'asseoir. Mais en fait, les habitants du lieu arrivent, hein, du dème de Colone, et lui disent « Mais que fais-tu là, vieillard ? Lève-toi tout de suite, tu es dans le bois sacré des bienveillantes, les Euménides, des divinités qui, malgré leur nom, ne tolèrent absolument pas qu'on rentre dans leur bois. » Et donc, il a commis un acte d'impiété, et il va falloir un rituel d'expiation pour pouvoir satisfaire, enfin, éviter la colère de ces bienveillantes qui sont en fait parfois terribles. Et donc, comme Œdipe ne sait pas quoi faire, eh bien, l'habitant de Colone lui explique tout. Et donc, c'est grâce à ça, grâce à ce dispositif, qu'on a un des rares cas où on nous décrit un rituel du début jusqu'à la fin. C'est extrêmement précieux pour nous. Et donc, ce qu'on peut en faire, c'est qu'on voit qu'il y a finalement un certain nombre de matières assez simples qui sont mobilisées. Il faut de la toison de laine, mais bon, où est-ce que Œdipe va se procurer de la laine? C'est quand même... Il y a des cratères, alors on suppose qu'ils sont à disposition. Il faut de l'eau, on suppose qu'il y a une source. Dans tous les sanctuaires, il y a une source. Des rameaux d'olivier, bon, il y a probablement des arbres sur place qui vont lui permettre de les prendre. Et puis, on voit l'importance des chiffres 3, 9. Il faut répéter les choses, hein, cette répétition, mais en même temps dans la variation. Parce qu'à la fin, on met du miel et surtout pas de vin. Et ça nous apprend aussi des choses sur les destinataires. Là, on peut travailler sur ce que Vinciane Pirenne-Delforge appelle l'adresse rituelle. Comment on choisit de s'adresser à ces bienveillantes. Et là, pas de vin. Surtout pas, ça ne leur plaît pas. Il y a des cas de rituels où il ne faut pas de vin, parce que c'est peut-être associé à une forme de perturbation, un potentiel de colère ou de démesure qu'il faut à tout prix éviter. Et en tout cas, dans ce cas-là, il faut aussi prononcer d'une voix à peine audible. Donc il y a des registres aussi sonores qui se prêtent à tel ou tel rituel, et ici, il doit petit à petit effacer les traces de sa présence. C'est très intéressant, c'est de voir comment... Il y a besoin d'une grande connaissance. Et donc, ça veut dire dialogue. Ici, dialogue rare avec Sophocle. Mais ça, c'est pas un truc d'initié, c'est pas vraiment ça. Mais quand on arrive quelque part, il y a besoin d'un intermédiaire qui nous dit comment faire. Oui, c'est fou parce que là, en fait, il arrive de Thèbes. C'est quand même pas très très loin d'Athènes. Il arrive pas de l'autre bout de la Méditerranée. Et donc, ça nous invite aussi à repenser un peu ces pratiques rituelles en s'imaginant que ces Grecs qui voyagent quand même pas mal d'une cité à l'autre pour telle ou telle occasion sont confrontés à ces questions-là. En fait, quand ils arrivent devant un sanctuaire, mais déjà, savoir à qui il est dédié, ça ne va pas forcément de soi. Est-ce qu'il y a des écriteaux partout? Là, à l'évidence, il n'y en avait pas. C'est-à-dire des inscriptions, hein, parce qu'on a trouvé un certain nombre d'inscriptions. Il y en a qui disent, là, vous entrez dans le sanctuaire de Despoina, par exemple, et vous avez le droit d'offrir, et puis il y a une liste. On a des inscriptions comme ça, mais il y a des cas où on sait qu'il y a plein de sanctuaires pour lesquels il n'y avait peut-être pas cette inscription, ce qui veut dire que la parole des gens du lieu est importante. Ouais. Et ça, c'est décisif. Tout ce qui est oralité et qu'on a malheureusement perdu. Et qui veut dire échange, discussion. Exactement. À la différence de, et si l'on compare avec un monothéisme, le christianisme, où qu'on aille à peu près dans le monde avec une église, les rituels sont à peu près les mêmes et il y a ces repères. Est-ce qu'on va trouver la même chose pour certains rituels où un Grec qui voyage va être rassuré parce qu'au même moment, on fait la même chose et il sait exactement comment il doit se comporter? Oui, je crois qu'il y a ce niveau-là, effectivement, un niveau plutôt panhellénique avec le sacrifice sanglant, hein, la Tussia, où il y a quand même des choses, on attend l'holos, on sait qu'il y a la mise à mort de l'animal, on sait qu'il va y avoir le partage des viandes, dont une partie va être brûlée sur l'autel pour satisfaire les dieux. Donc il y a des cas comme ça, effectivement, d'une sorte de grammaire rituelle assez commune dans le sacrifice sanglant, qu'on trouve beaucoup mis en image, notamment. Et donc cette répétition des images et les mentions dans les textes, on a beaucoup d'inscriptions qui nous disent ce qu'il faut pour ces sacrifices sanglants, montrent que là, on est sur un niveau que tous les Grecs vont pouvoir comprendre. Mais attention à ne pas se tromper de bestioles à sacrifier. Nous appartenons à un milieu qui refuse de verser le sang. Et qui refuse de sacrifier, c'est ça. Et en même temps, nous avons un projet qui est de former un groupe social, un contrat social à honorer, et il faut passer par ce qui en est. Et c'est là qu'on voit que c'est fondamental pour les Grecs. Fondement. il faut passer par le sacrifice. Alors que faire ? Eh bien, on cherche un compromis, bien entendu. Et le compromis, on le trouve. C'est-à-dire qu'il y aura des animaux dont on dira « ils ne sont pas de la viande, ils n'ont pas de sang, le sang ne coule pas ». Et par conséquent, on peut les manger, éventuellement les sacrifier. Chut, on n'en parle pas. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui vont représenter la viande. Et par conséquent, le sang et toute chose que l'on va mettre à l'écart. Et alors, le partage va se faire à l'intérieur des victimes sacrificielles ordinaires du monde grec. C'est-à-dire, au sommet, il y a le bœuf. Et avec le bœuf, les pythagoriciens mettent le mouton pour des raisons qui leur sont propres et qui s'explicitent, je n'entre pas là-dedans. Et puis, il y a une coupure. Et alors, en dessous, il y a le porc et la chèvre. Alors, le porc et la chèvre, c'est pas de la viande. Et alors, on vous explique pourquoi. C'est l'histoire de la carpe. Oui, carpe. C'est ça, oui. On vous dit, eh bien, tout simplement, parce que le porc, il a mangé le fruit de Déméter. Et la chèvre. Et la chèvre, elle a brouté la vigne de Dionysos. Donc, par conséquent, ce sont des animaux qui non méritent civilisés. Bien. C'est ça. C'est bien fait pour eux. Voilà. Eh bien voilà, bien fait pour aussi en 1978, une discussion entre Jean-Pierre Vernant et Marcel Destienne, deux grands hellénistes, qui réfléchissent aux animaux. Mais au moment du sacrifice, Adeline Grand-Clément, ah bah oui, il y a l'animal qui arrive, les sens sont mobilisés, c'est pas rien de voir arriver un animal, et puis il y a le sacrifice, il y a le sang, et puis jusqu'au bout, parce qu'après, ben, tout ça est cuit. Oui, oui. Et notamment, si on pense à la procession des Panathénées, il faut imaginer 100 vaches qui sont montées sur le sommet de l'Acropole, portées en procession depuis les portes de la ville, traverser l'Agora, 100 vaches avec parfois les cornes dorées, décorées de bandelettes, et qui montent alors qu'on est à la fin du mois de juillet. Grosse chaleur, accompagnée par le cortège des prêtres, dignitaires, enfin, les principaux magistrats et une bonne partie des citoyennes, des citoyens qui participent, évidemment, y compris métèques, esclaves. Et tout le monde monte sur l'Acropole. Et effectivement, quand il y a cette mise à mort, il faut imaginer cette matérialité, en fait, du sang qui coule, qui arrose l'autel, qui sent fort, qui attire les mouches. À Olympie, on a un Zeus chasse-mouches qu'on peut prier et qui aide, ce qui montre bien qu'il y a des cas où effectivement le sacrifice doit tenir compte de toutes ces données-là. Il est en plein air et en pleine chaleur, et donc il y a d'autres personnes qui sont avides du sang des bêtes. Et il y a ensuite l'odeur des viandes grillées, il y a tout ça qui se joue. Et je pense que quand on a étudié les rituels grecs, on a parfois insisté sur leur caractère répétitif et peut-être pas toujours pris la mesure de ce que ça fait concrètement, en fait. Et notamment la mise à mort d'un animal et d'un gros animal, c'est quelque chose d'impressionnant. Et quand on en a la sens, c'est quelque chose qui fait du moment un moment extrêmement particulier. Ça montre aussi que les autels sont couverts de croûtes de sang. Vous avez passé un extrait où on entend Jean-Pierre Vernant et Marcel de Tienne. Marcel de Tienne a beaucoup travaillé sur ces autels avec des croûtes de sang épaisses et du gras froid, refroidi, qui a une mauvaise odeur, des restes calcinés. Alors on nettoie régulièrement les autels, mais ça reste aussi en permanence. Et cette croûte-là, elle dit la piété. Et donc sur les images, si vous regardez bien les images où on voit des scènes de procession sacrificielle, on met souvent des petites... Les peintres mettent des petits traits rouges sur l'autel pour montrer qu'il y a du sang. Alors, nous, on se dit, ah, mais ça fait un peu... C'est une erreur, pourquoi il y a ces taches-là? Mais non, et c'est volontaire, et ça fait partie de l'esthétique, en fait, du sanctuaire. C'est considéré comme beau parce que ça a été versé pour les divinités. Et peut-être un dernier mot sur ces images, parce qu'elles ont été étudiées notamment par François Lissarague. Et là, ça nous permet de revenir sur un point de méthodologie. Quand on travaille sur la vision que les images fournissent du sacrifice sanglant, c'est une vision extrêmement aseptisée, enfin, extrêmement organisée. On voit souvent le temps de la procession, tout est en ordre. On voit parfois un encensoir qui évoque cet univers olfactif aussi, mais on montre rarement la mise à mort. On montre la cuisson après, qui est le moment où on fait griller. Et donc, il y a une forme d'occultation aussi de ce moment qui est crucial, qui est le moment de la mise à mort de l'animal, qui devait être un temps fort aussi du rituel. C'est sûr que les frises du Parthénon sont beaucoup plus polissées, pour reprendre un petit clin d'œil à cette cité grecque. Mais dans l'esthétique que vous venez d'évoquer, Aline Grand-Clément, là aussi se joue, mais on parle de démarche d'historien, d'historienne, se joue toute la nuance à apporter sur la perception du beau et de l'impressionnant. Alors oui, c'est sûr que sans grosse bête qui arrive et que l'on sacrifie, c'est impressionnant dans tous les cas. Mais l'esthétique n'est pas la même, évidemment, chez ces Grecs de l'Antiquité et aujourd'hui. Il y a presque une déformation. Ce qui est passionnant dans votre ouvrage « Au plaisir des dieux », c'est que vous tirez le fil sur le temps très long avec la relecture qui a été faite de cette esthétique-là. Oui, parce qu'en fait, le travail de l'historienne du sensible, ce n'est pas juste de faire le catalogue des informations sensorielles à laquelle les Grecs étaient confrontés lors des rituels, c'est aussi de comprendre comment c'était perçu, les modes d'appréciation, les valeurs qui y étaient associées, les seuils de tolérance. Aujourd'hui, on a très peu de tolérance à la vue du sang dans l'espace public. Cette tolérance-là, elle était beaucoup plus grande dans l'Antiquité. Les odeurs qui sont valorisées, qui l'étaient dans l'Antiquité, ne sont pas forcément les nôtres. Les sons qu'ils appréciaient ne sont pas ceux qu'on apprécie. La musique grecque, les reconstitutions de musique grecque sonnent bizarrement à nos oreilles. Et donc, je pense que c'est important d'avoir en tête ça pour éviter tout anachronisme et savoir que, du point de vue du sensible, on doit toujours faire preuve de vigilance et ne pas superposer nos propres appréciations esthétiques. Et au XIXe siècle, il y a eu un travail de réinterprétation de ces rituels, mais là encore avec une partie du temps du XIXe. Musique venue tout droit de l'Antiquité, enfin en revue par Konrad Steinmann. C'est toujours très impressionnant d'entendre ces sons, ce travail, parce que c'est issu d'immensément de travaux. Adeline Grand-Clément, ça vous fait sourire, parce que c'est vrai qu'ici on a l'univers sonore de ces rituels qui n'est qu'un sens en réalité parmi tous ceux mobilisés. Ouais, et là on entend bien l'holos, donc c'est cette sorte de hautbois qui fait, cet instrument avant là, qui était... un instrument qui accompagnait très très fréquemment en fait, notamment les sacrifices sanglants. Mais on sait qu'il y avait aussi parfois la lyre qui pouvait être utilisée. Et là, on entend des percussions, tambourins, etc. Ça, c'était pour certains cultes, notamment culte de Sabazios ou d'autres divinités comme Cybèle, qui sont plutôt associées à l'Anatolie et qui donc, du point de vue d'une oreille grecque, devaient aussi résonner pour Dionysos également, un peu étrangement. Donc il y a aussi des différences sonores suivant les types de rituels et pour les divinités qui sont concernés. Alors, selon les lieux, et on vient de l'évoquer, c'est sûr que ce monde-là est un monde qui dépasse uniquement la Grèce que nous connaissons aujourd'hui, parce que les cités grecques sont partout. Et puis, la chronologie est à prendre en compte sur une étude qui va sur le temps long de la Grèce archaïque au début de la Grèce hellénistique. Enfin, on a quand même des siècles. Est-ce que vous voyez évoluer les rituels? Ou alors, est-ce qu'il y a une tendance générale? C'est toujours ça, le rituel, c'est respecter quelque chose. Alors, on se dit, ça ne va jamais bouger. Ouais, ça c'est vraiment une question difficile parce qu'il faudrait une documentation qui soit continue. Donc dans mon livre, c'est une période qui va du 8e siècle au 3e siècle avant notre ère, comme vous dites, alors que parfois j'utilise Pausanias qui évidemment est hors cadre, mais Pausanias qui nous parle de rituels dont on a du mal parfois à restituer toute la profondeur historique. Mais avec Pausanias, ça aplatit un peu les choses, on a parfois l'impression que ça a toujours été comme ça, ou qu'il y a quelques évolutions. Mais évidemment, moi, avec les sources que j'ai du mal à cerner précisément des évolutions, puisque précisément les textes sont là pour dire on refait comme avant, on fait comme avant. Et donc, même si on change, on ne le dit pas vraiment. Et ça, c'est toute la difficulté d'aller derrière ce que nous disent les textes. Et vous arrivez à avoir des différences géographiques très nettes. Il y a quelque chose de plus oriental quand on se trouve dans l'actuelle Turquie et puis quelque chose qui diffère quand on va se retrouver complètement ailleurs. Ou alors, est-ce que, eh bien non, l'idée d'appartenir à un même ensemble fait que ces rituels doivent être respectés au plus proche d'un idéal fantasmé? On essaie de se conformer à une norme, c'est-à-dire qu'on va amener la vigne partout où les Grecs vont s'implanter, parce que ça va servir aussi pour les rituels, pour les libations notamment. Donc on vient avec ça, son petit bagage hein, d'ingrédients pour le rituel, mais on peut s'adapter, notamment là où on peut le plus s'adapter, c'est ce qu'on fait brûler. Parce que les termes qu'on trouve dans les textes sont des termes assez généraux. On parle d'encens, mais ça veut dire en fait une résine ou un végétal qu'on fait brûler pour faire une bonne odeur. Et suivant les lieux, on va prendre les résines locales de pin, de pistachier lentisque. Et si on a les moyens, on importe de l'oliban, de la myrrhe, des choses qui viennent d'Arabie. Et là, on est d'accord, hein, c'est quelque chose qui sent bon pour nous aussi. Voilà. Encore. Il croît en Scythie du chanvre. Il ressemble fort au lin, excepté qu'il est plus gros et plus grand. Les Scythes prennent de la graine de chanvre. Et s'étant glissés sous ses tentes de laine foulée, ils mettent de cette graine sur des pierres rougies au feu. Lorsqu'elle commence à brûler, elle répand une si grande vapeur qu'il n'y a point en Grèce d'étuve qui ait plus de force. Les Scythes, étourdis par cette vapeur, jettent des cris confus. Elle leur tient lieu de bain, car jamais ils ne se baignent. Parseni mega fereceos dote dotoreao. Miter apimos ini. Un petit extrait d'Hérodote, parce qu'il fallait bien Hérodote dans cette émission, lue par Frédéric Labussière. Adeline Grand-Clément, ici, il est question du chanvre, c'est une chose. Mais des Scythes qui nous conduit hors de Grèce. On est chez les barbares, peuple nomade. Alors, le regard qui est porté sur les rituels pratiqués par les autres renforce l'identité des Grecs par leurs propres rituels qui, évidemment, sont meilleurs. Oui, là, avec le miroir d'Hérodote, hein, on peut étudier la religion grecque au miroir donc des religions barbares, c'est-à-dire non grecques, que Hérodote décrit un peu dans son œuvre, l'enquête, hein, son œuvre qui a une dimension ethnographique, pas simplement historique. Et là, il nous parle de ce qui se passe en Scythie. Et donc, chez les Scythes, il y a ce cannabis qui pousse. Et là, on comprend bien que les sommités dont il parle, le sperma, c'est-à-dire le sommet de la plante, peut-être effectivement les fleurs des plantes femelles, sont jetés en fait sur un brasier alors qu'ils sont dans une tente. Alors Hérodote a précisé que c'était un rituel funéraire, enfin c'est après des funérailles, et il se passe quelque chose. Et là on a la description hein, de l'utilisation de ce que nous on appellerait des psychotropes dans le cadre d'un rituel. Mais pour Hérodote, Hérodote dit pas franchement que c'est un rituel. En fait, il fait une analogie avec les fumigations, des bains de vapeur en Grèce. Il dit que c'est plutôt des pratiques hygiéniques, en quelque sorte. Mais on comprend qu'en fait, derrière ça, il y a bien du rituel. Le verbe d'ailleurs qu'il emploie pour désigner la crémation de ces parties de cannabis sur le brasier, c'est tumiao. Et c'est un terme qui désigne l'encens, enfin le fait de faire brûler de l'encens dans le monde grec. Donc il a quand même perçu quelque chose qui est de l'ordre du rituel, mais qui est bizarre, effectivement, à ses yeux. Donc il essaye de trouver des analogies. Oui, parce que la question que vous posez, c'est des psychotropes dans les rituels grecs. Vous vous interrogez pour évoquer la pitié, qui était avec nous en début d'émission. C'est vrai que longtemps, une femme droguée qui disait n'importe quoi, mais vous l'avez bien dit, ce sont les sources chrétiennes qui ont un peu déformé ça. Il y avait l'utilisation de psychotropes? Alors, en tout cas, pas d'inhalation de fumée chez les Grecs, parce qu'on voit que Hérodote trouve ça bizarre, donc c'est pas quelque chose qui se pratiquait de manière courante, c'est certain, même si les Grecs connaissaient très bien le cannabis et la culture s'est développée à la fin de l'époque classique en Grèce également. Mais je me suis un peu intéressée à des hypothèses qui avaient été proposées, effectivement, pour la pitié. En disant, alors soit qu'elle buvait des substances psychotropes, donc contenant des alcaloïdes qui lui permettaient d'accéder à une autre réalité, ou alors qu'elle respirait des vapeurs toxiques. Et la dernière hypothèse, justement, qui avait été proposée au début des années 2000, c'est après des études d'un géologue, notamment sur le terrain, il a dit il y a la croisée de deux failles sous le temple de Delphes. Et ça permet, au moment notamment où, quand il y a des. Quand ça bouge hein, sous terre, de faire circuler du gaz de type éthylène, qui est un gaz anesthésiant, qui à forte dose peut effectivement agir sur le cerveau, les capacités perceptives. Et donc, il en a trouvé des traces dans une source qui n'est pas loin du sanctuaire, dans des dépôts calcaires proches du temple. Et donc, ils ont voulu proposer ça comme interprétation. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre notre incapacité à admettre que lors d'un rituel, il peut se passer beaucoup de choses qui ne sont pas juste de l'ordre du physiologique, de l'utilisation de substances halogènes, mais que la disposition même, un ensemble d'ingrédients suffisent. Et donc nous, on veut des explications rationnelles. Hein, comment ça se passait vraiment pour la pitié? Je pense que ça nous échappera toujours. C'est très beau ce que vous dites. C'est un peu de rationnel mis de côté pour essayer de comprendre ces rituels de l'Antiquité, avec une vraie réflexion hein, des historiens, des historiennes de l'Antiquité qui portent au présent, c'est d'aujourd'hui et c'est d'hier. À force de scruter le passé, on arrive maintenant à quelques reconstructions scientifiquement acceptables. Et qui était nécessaire pour comprendre intimement une pratique cultuelle à la fois passionnée et intellectuelle, fondée sur l'appel constant, prière, divination, sacrifice au sacré. Nous sommes loin déjà ainsi, du temps pourtant très proche où, sans bien apprécier les rites, on dénaturait aussi la fable, le mythe, en présentant l'histoire des dieux et des héros trop à la manière de quelque aimable légende dorée, création aérienne et fantaisiste, disait-on, d'un peuple de poètes. C'est en 1951 que s'exprimait Charles Picard, archéologue, historien, grande famille d'hellénistes, des Picards, dont un des beaux représentants, des grands représentants, Olivier Picard, nous a quittés très récemment en 2023. Adeline Grand-Clément, quand Charles Picard, en 1951, évoque l'avenir, au moment de penser les Grecs, il y a de cela aussi dans votre démarche au plaisir des dieux. C'est de réfléchir aussi combien cette proximité au sens peut aujourd'hui faire écho à des préoccupations que nous pouvons avoir. Oui, de la même manière que Maurizio Bettini a écrit un éloge du polythéisme qui est sous-titré « Ce que les religions antiques peuvent nous apprendre ». Lui, il a travaillé notamment sur cet accueil des religions antiques, cette malléabilité, ce pouvoir du mythe aussi, qu'on peut sans cesse réécrire, raconter à nouveau. Et donc, toute cette puissance aussi imaginative, hein, qui est aussi une manière de penser son rapport au monde. Je pense que de la même manière, la réceptivité des Grecs à leur environnement, qui pouvait être lié, c'est ce que j'étudie dans le livre, hein, au rituel, mais qui peut-être est à prendre au sens plus large, à nous apprendre aussi sur notre propre rapport au monde et le fait que nous vivons en grande partie hors sol. Le sol, chez les Grecs, ça a son importance. C'est Gaïa, c'est quand même une divinité. Donc on sait où on met les pieds. On sait de quoi on vit, d'où vient la nourriture qu'on mange. Elle nécessite d'être cultivée. On a besoin de Déméter. Il y a l'histoire de Perséphone. Il y a comme ça un engagement au monde qui a du sens et qui passe par ces rituels qui sont aussi une manière d'être ensemble, non pas juste de communiquer avec les dieux ou d'entrer en relation avec eux, mais aussi de faire communauté. Et ça, je pense que c'est important, notamment en temps de crise, cette force du rituel aussi qui permet de redonner du sens à nos existences, nous replacer dans l'ordre du monde et créer du lien. Et puis trouver de la compréhension aux choses. Alors c'est certain que les Grecs y avaient mis du rite, du rituel des dieux et des déesses, mais le corps était mobilisé, le sens était là et l'action sur l'autre ou sur la nature a une signification. C'est peut-être cette signification-là qui a été oubliée, sans vouloir dire qu'il faut penser que c'est tel dieu ou telle déesse qui est mobilisée. Mais au moins avoir conscience qu'en faisant quelque chose, eh bien, on agit sur d'autres choses qui nous dépassent sans doute. Et aujourd'hui, avec toutes les préoccupations écologiques très légitimes, on sent que cette réflexion sur les rituels nous parle. Et les Grecs reconnaissaient la vulnérabilité de leur existence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sentiment de toute puissance, on dépend en dernier recours des dieux. Et donc il faut se préparer à l'imprévisible, il faut se préparer à des crises, et donc il y a une manière aussi de... alors on parle beaucoup de résilience, c'est très à la mode, mais en tout cas d'essayer de penser l'avenir en tenant compte de toutes ces difficultés que l'existence humaine peut traverser, parce que jamais l'humain ne sera maître de la nature, parce que la nature c'est aussi les dieux en fait. À quel moment ces rituels cessent d'être appliqués? On est sur une histoire sur le temps long, on parle de religion disparue, ça s'arrête quand? Ah, c'est très difficile en fait, parce que même si à la fin du 5e siècle on ferme les temples, les rituels, eux, n'ont pas forcément besoin de temples et de sanctuaires, on peut les continuer à les pratiquer, les prières. Et donc c'est une histoire sur du temps long dont on peut essayer de traquer des traces, y compris sous l'Empire byzantin, on a un certain nombre de rituels, ou même l'usage de l'encens par le christianisme reprend des pratiques qui étaient des pratiques polythéistes. Au début il y a un rejet de l'encens, et puis finalement on y revient. Bah oui, parce qu'on prend les bonnes recettes qui fonctionnent. Merci vivement à vous, Adeline Grand-Clément. Au plaisir des dieux, expérience, je rappelle au pluriel, du sensible dans les rituels en Grèce ancienne. C'est publié chez Anacharsis et on le voit bien, il y a une réflexion qui nous apprend ces rituels de la Grèce ancienne, mais qui porte beaucoup plus loin avec toute cette relecture. Et c'est fascinant, comme au 19e siècle, on a fantasmé ces gens-là, cette pitié, cette fumée, oui, et toute cette drogue. Merci vivement à vous. Le rituel pour nous, c'est tous les jours, à la même heure, le plaisir de retrouver Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Pourquoi faire l'histoire du boire et du manger? Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes précédentes chroniques, l'histoire est une discipline scientifique qui a la chance d'être populaire, car elle n'est pas confinée dans les laboratoires ou les amphithéâtres. Régulièrement, des rencontres sont organisées dans tout le pays, associant des chercheurs, des enseignants et des amateurs d'histoire autour d'un thème commun. L'exemple le plus réussi aujourd'hui est celui des rendez-vous de l'histoire qui ont lieu chaque année à Blois. Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'ai privilégié un événement moins connu, mais qui s'inscrit dans la même perspective. Il s'agit de la Biennale européenne d'histoire locale qui se déroulera à Tulle en Corrèze du 13 au 15 octobre prochain. L'une des originalités de cette manifestation tient au fait que ses fondateurs ont voulu mettre en pratique ce que l'historien Jacques Revel a appelé un jeu d'échelle. Il s'agit en l'occurrence d'observer l'histoire par en bas, au niveau local, mais dans une perspective européenne. La rencontre de cette année a été intitulée « Boire et manger localement ». Le thème, qui pourrait sembler trivial, étant donné qu'il concerne les besoins élémentaires des êtres humains, constitue en réalité un très bon exemple pour montrer les liens qui existent entre les dimensions les plus banales de notre vie quotidienne et des enjeux qui, aujourd'hui, ont une dimension planétaire. D'éminents spécialistes venus de plusieurs pays d'Europe viendront présenter leurs recherches sur les transformations de l'alimentation en Europe, du Moyen-Âge à nos jours, sur l'invention des cuisines locales et nationales ou sur la révolution de la pomme de terre. Mais comme ce que nous trouvons dans nos assiettes est le produit d'activités associant de multiples professions, depuis les paysans qui travaillent la terre jusqu'aux cuisiniers et aux restaurateurs, en passant par celles et ceux qui transforment et transportent ces produits de l'agriculture et de l'élevage, cette rencontre sera aussi l'occasion de montrer que le boire et le manger relèvent de ce que le sociologue Marcel Mauss appelait un fait social total. C'est dans cette perspective que seront abordées des questions qui ont envahi notre quotidien, concernant notamment les liens entre l'alimentation et le réchauffement climatique, ou sur le développement d'une agriculture de proximité. Pour nourrir cette réflexion collective, des producteurs, des chefs cuisiniers, des consommateurs, des écrivains, mais aussi des acteurs de la société civile et des politiques ont été invités. Conscient que la manière la plus efficace de partager nos savoirs, c'est de prévoir des moments festifs, les organisateurs ont fait aussi une large place à la musique, à la littérature et au cinéma. On reproche souvent aux universitaires de produire des connaissances trop livresques de la réalité. Celles et ceux qui ont été invités cette année auront la possibilité d'associer la théorie et la pratique en mettant la main à la pâte, si je puis dire. Dans le cadre des ateliers organisés pendant ces journées sont prévus en effet des cours de cuisine assurés par un chef spécialisé dans la gastronomie régionale. Décidément, Gérard Noiriel, vous savez, nous ouvrir la pitié. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Jean Guilin. Mais une émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudès, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. Merci à l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, pour les archives. Et merci également à la discothèque de Radio France. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.